Extrait. Les armes secrètes de la CIA. Gordon Thomas. 5. Le 7 mars 1954, Buckley fut affecté à de nouvelles fonctions. On lui donna un bureau dans l'immeuble où le docteur Gottlieb avait annoncé la mort de Frank Olson et où se trouvait le département des opérations de la CIA. Bien que son passe de sécurité lui donnait plus de droits qu'auparavant, Buckley n'avait toujours pas accès aux étages supérieurs, point de départ et d'arrivée des espions de l'agence. La suite du docteur Gottlieb se trouvait à l'extrémité du couloir opposé à celle du bureau de Buckley. Son bureau de métal, son siège, son armoire cadenassée, son téléphone et ses étagères étaient les meubles standards approuvés par le Pentagone. Le docteur Gottlieb fit appeler Buckley. C'était la première fois qu'ils se rencontraient officiellement. Jusque-là, ils n'avaient échangé que quelques regards furtifs dans les couloirs ou lorsque Buckley passait devant la porte ouverte du bureau du médecin. Maintenant, les scientifiques souriaient à Bill et échangeaient deux ou trois mots avec lui pour le mettre à l'aise, sans oublier pour autant de l'examiner attentivement. Buckley admit qu'il aimait travailler pour la CIA, mais qu'il n'était pas encore tout à fait habitué à Washington. Soudain, le docteur Gottlieb se recula dans son grand fauteuil de bureau. « Savez-vous pourquoi vous êtes là ?» lui demanda-t-il. « Non, monsieur. Parce que j'ai besoin de vous. À partir de maintenant, vous allez travailler pour moi, c'est compris ?»« Oui, monsieur. » Ce n'est que plus tard que Buckley découvrit que Sidney Gottlieb commençait toujours de cette façon avec ceux qui travaillaient pour lui. Mais ce n'était pas tout. Le docteur Gottlieb ordonna ensuite à Buckley de rester immobile et silencieux. Derrière le grand fauteuil de bureau se trouvaient quelques vitrines remplies de bocaux et de fioles contenant des insectes et des morceaux de champignons préservés dans des solutions liquides. Certains spécimens étaient ceux que Gottlieb avait rapportés de ses expéditions lorsqu'il se rendait en Amérique centrale ou latine pour y chercher des plantes mortelles. Buckley sentait que Gottlieb l'étudiait avec le même soin que celui dont il avait dû faire preuve en rangeant ses flacons sur les étagères. Après un instant, le médecin commença à hocher la tête. Buckley sentit qu'il venait de réussir une sorte de test. Lorsque Gottlieb reprit la parole, il s'exprima lentement, comme s'il savait que c'était le meilleur moyen de contrôler son bégaiement. Il expliqua à Buckley qu'il devait inspecter les planques de la division. Le Travel Office lui transmettrait la liste des adresses. Pour les étrangers, il serait un agent immobilier chargé de visiter des propriétés. En attendant, il devait se familiariser avec les projets du programme MK Ultra. Une fois de plus, il se recula dans son siège et expliqua qu'il se prononçait MK Ultra. Le sigle MK correspondait au projet en cours. Il avait lui-même choisi Ultra en référence au programme qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, avait permis de décrypter les codes que les Allemands utilisaient pour communiquer avec leurs sous-marins. « Vous remarquerez que nous sommes engagés dans quelque chose d'encore plus important. Tentez de comprendre ce que les Chinois ont fait à nos prisonniers en Corée », ajouta Gottlieb. Buckley fut surpris. Dans les dossiers du Pentagone, il avait lu que l'affaire était classée. Plus tard, il se souvint d'avoir entendu Gottlieb expliquer « Aujourd'hui, ces pratiques ne sont plus uniquement chinoises, mais également soviétiques. Nous devons absolument découvrir comment ils s'y prennent pour trouver le moyen de les contrer. » Il se souvenait aussi avoir pensé que, s'il était entré à la CIA, c'était précisément parce qu'il voulait participer à une guerre secrète. Les dossiers seraient livrés au bureau de Buckley chaque matin par un messager. « Votre remplaçant », avait dit Gottlieb en souriant. S'il avait à s'absenter dans la journée, il devrait ranger tous ses dossiers dans son armoire, la fermer à clé et en faire de même avec la porte de son bureau. Chaque semaine, il devrait rendre des rapports sur ce qu'il avait lu. Ses évaluations de la progression des travaux seraient bienvenues. Chaque rapport devrait se trouver sur le bureau du docteur Gottlieb tous les lundis matins à 7h30 précise. Au cours des 3 mois suivants, Buckley inspecta plus de 20 planques, des appartements situés dans les quartiers les plus huppés de plusieurs grandes villes. À New York, il y en avait un sur Madison Avenue. À San Francisco, il y en avait un autre à Nob Hill. À Washington, il y en avait 2 tout près de la Maison Blanche. Il y en avait encore à Chicago et à Seattle, près des campus universitaires. Les appartements étaient tous bien meublés, équipés de miroirs sans teint et de micros cachés. Buckley se demandait si la CIA utilisait ces aménagements pour interroger ses informateurs. Dans chaque planque, caché derrière un meuble spécialement conçu pour cela, se trouvait un petit espace réservé au stockage du matériel d'enregistrement et des bandes vierges. Un système d'alarme sophistiqué protégeait les fenêtres et les portes. Entre ses déplacements, Buckley étudiait les dossiers sur le MK Ultra. Beaucoup d'entre eux comportaient des blancs. Il supposa que s'il manquait certaines choses, c'était parce que, bien que son passe de sécurité ait été amélioré, il ne lui permettait pas encore d'avoir accès à tout. Il commença alors à découvrir les recherches visant à modifier la perception de la réalité chez l'humain que la division menait avec le LSD et diverses autres substances. En 1954, ces expériences s'étaient élargies à plusieurs grands centres médicaux américains. À l'université d'Oklahoma, le docteur Louis J. Jolyon West testait les effets du LSD sur des sujets qu'il se gardait bien d'informer. Des travaux similaires avaient lieu au Boston Psychopathic et au département de médecine de l'université de Columbia à New York. En tout, il existait 23 campus où des scientifiques faisaient des recherches secrètes sur leurs patients et se faisaient rémunérer grâce aux fonds tout aussi secrets du docteur Gottlieb. L'argent provenait de la Fondation Geschichter pour la recherche médicale à Washington. Cet institut familial privé était dirigé par un très bon ami de Gottlieb, le docteur Charles Geschichter. Grâce à la fondation, des dons de 40 000 dollars et plus, une somme considérable en 1954, était régulièrement versée aux chercheurs qui étudiaient la manipulation du comportement humain. En juin 1954, le docteur Gottlieb envoya Buckley effectuer sa première mission sous couverture. Il devait se faire passer pour un journaliste freelance qui préparait un article scientifique. Pour avoir l'air d'un vrai journaliste, Buckley passa un peu de temps avec Richard Helms. Cet agent des services secrets, grand et élégant, était le fameux reporter qui avait réussi à interviewer Adolf Hitler et qui était aujourd'hui un fervent partisan du docteur Gottlieb et de ses travaux. La tâche de Buckley consistait à tester la sécurité des centres de recherche pour voir ce qu'il parviendrait à découvrir. Gottlieb expliqua que, si les Russes se rendaient compte de l'importance stratégique des travaux qui se déroulaient sur les campus américains, ils pourraient mettre en place une contre-attaque. Buckley visita tous les sites. Il y interviewa les psychiatres, les psychologues, les physiologistes et les cliniciens. Il leur dit qu'il préparait une série d'articles sur les avantages de l'utilisation des drogues. Tous lui remirent des copies de leurs articles parus dans la presse professionnelle, mais personne ne fit la moindre allusion aux travaux secrets. Gottlieb eut le plaisir de constater que la sécurité restait étanche autour de ses projets. Sidney Gottlieb travaillait maintenant sur 2 fronts différents. Le premier consistait à découvrir comment les Chinois et les Russes procédaient au lavage de cerveau. Le second, à continuer le développement d'un arsenal biologique qui permette de leur faire face. Fort Detrick avait pris beaucoup d'ampleur depuis la première fois qu'il y avait travaillé. Des ouvriers bâtissaient de nouveaux laboratoires destinés à accueillir les nombreux scientifiques et techniciens que l'on recrutait. On construisait également des logements pour leurs familles, à l'abri des clôtures barbelées sur lesquelles étaient accrochés des panneaux interdisant de prendre des photos. Des gardes armés patrouillaient autour de l'enceinte. La SOD, la Division des Opérations Spéciales, avait ses quartiers à l'intérieur d'une longue structure de plain-pied, d'un jaune incongru, la couleur du maïs qui arrive à maturation. C'était là que Frank Olson conduisait ses expériences secrètes. Le bâtiment 470 était une structure d'un seul bloc, plus imposante, à la façade de briques rouges. C'était ici que l'on testait les armes et leur contenu, en vue de leur utilisation par l'Air Force en Corée. Il existait un service d'appareillage, successeur de l'unité de l'OSS qui produisait du matériel spécial pour les agents secrets pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce service fabriquait les appareils qui permettaient aux agents de la CIA d'utiliser les armes biologiques. Le service des agents, lui, employait quelques-uns des plus grands botanistes américains. Tous ces experts connaissaient très bien les moisissures, dont un champignon utilisé comme poison depuis plus de 2000 ans. L'impératrice Agrippa ne s'était d'ailleurs pas trompée pour empoisonner son mari, l'empereur Claudius, afin que Néron puisse s'asseoir sur le trône impérial. Les scientifiques du service des agents étaient en train de créer un poison similaire, tiré des moisissures rapportées des jungles d'Amérique centrale. Leur réserve de lotions et potions était sans égale. De temps en temps, le docteur Gottlieb faisait venir un officier supérieur des opérations clandestines pour parler avec les scientifiques de l'usage des produits botaniques dans les assassinats.